On va parler avec. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Nick Manachi, l'instructeur des Gaillards de Chicoutimi. Je voulais savoir un peu comment vont les jeunes. Salut Nick! Salut Dani, excuse-moi, ça a coupé Dani, je t'ai pas Ouais, entendu. ok. OK. Donc c'est simple, on te saluait par commencer. Donc, Nick, je voulais te parler pour savoir un peu le moral des jeunes. On entend beaucoup d'histoires. Moi, je suis sur Radio X à Québec, évidemment. J'écoute beaucoup Radio X à Québec. Puis on entend des histoires de jeunes qui sont un petit peu. Des jeunes sportifs qui sont un peu découragés de la situation, qui ont une baisse de motivation. Toi, tu le sens, là. Donc, Oh, clairement. t'es sur le terrain. Comment ils sont? Ben, clairement, là, actuellement, sont en déséquilibre. C'est la chose que je peux dire, là, la plus claire qu'on voit actuellement au quotidien. On a des jeunes à qui on a enlevé. Tu sais, nous, je vais donner l'exemple des joueurs de football. T'sais, nous autres, on a eu notre saison à l'automne, là. Mais. T'sais, moi, je me promène dans le cégep quand je vois nos joueuses de volleyball qui avaient une super belle saison, notre équipe de basket, nos sportifs là, qui sont arrêtés puis qui ne peuvent pas avoir de la saison, qui n'ont pas eu de saison l'année passée. C'est lourd, là. T'sais, actuellement, moi, j'ai des gars qui attendent, t'sais, je veux dire, la date du 14 février qui a été donnée par le premier ministre pour qu'on puisse recommencer à s'entraîner. Donc, actuellement, les jeunes ne s'entraînent pas, les jeunes sont dans leur coin. Puis, ce qu'on a vu avec avec la COVID, puis qu'est-ce que ça a eu comme impact, c'est qu'on a plusieurs jeunes qui vont se diriger vers des DEP, qui ont fait une session au cégep, qui n'ont pas aimé ça, qui ont décidé de partir, sont tannés un peu de toutes ces règles-là, de s'entraîner avec un masque. Donc, c'est dur pour nos jeunes en ce moment-là. C'est dur pour nos jeunes étudiantes, là, vraiment. Ok. T'es-tu inquiet pour l'avenir des programmes de football? Tu viens de le dire. J'imagine que oui, là, parce que dans le sens. Moi, tout ce qui s'appelle. Avant d'entrer en onde, tu disais je suis inquiet pour toutes les ligues, pour tout tout court. Moi, je te dis, ben, c'est sûr, là, mais moi, vu que je suis un podcast de sport, j'en parle beaucoup, mais à l'extérieur, mais on va rester dans le sport. Moi, je suis inquiet pour les ligues, les différentes ligues. Ça donne quoi, là? Tu t'alignes comment? Ça va-tu être ça toutes les années? À un moment donné, là, va falloir passer à autre chose, là. Bien, en ce moment, on vit dans l'adaptation. Ce qu'on fait, c'est s'adapter. On s'adapte à ça, on fait ci, on fait ça. Ouais. Je veux dire, planifier aujourd'hui, avoir une job de gestion, c'est très, très, très difficile en 2021, en 2022. Tu vois, là, j'allais envoyer, il y a 5 minutes, j'allais envoyer la pratique d'hiver à tous nos joueurs, nos recrues, nos joueurs d'un peu partout. Puis là, au même moment où j'allais l'envoyer, j'ai reçu un message d'un autre coach au Québec qui me disait que là, les jeunes ne peuvent pas venir, mais là, ils peuvent venir avec un masque. Je veux dire, on avance, on s'en va vers quelque chose qui va être positif à un moment donné, mais en ce moment, c'est difficile de voir le retour des ligues. Et les ligues prennent du retard, là. Je veux dire, les ligues de basket, les ligues de volleyball, les ligues de hockey. Tu sais, comme je disais tantôt, nous autres au football, on va pas se plaindre parce qu'on a eu notre saison. Mais en ce moment, je veux dire, quand je regarde, comme je disais, là, tu sais, je parle avec le coach de volleyball ou les sports dans notre cégep à nous autres. Mais on se rend compte que les jeunes ont hâte de recommencer, sont tannés d'être tout seuls, sont tannés d'avoir le droit d'aller jouer au basket, mais de shooter juste de la main gauche avec l'œil droit ouvert. Puis la Ben semaine d'après, ils vont avoir le droit de shooter avec la main droite avec l'œil gauche ouvert. À un non. moment donné, ça devient difficile pour eux autres. Puis eux autres, tout ce qui est règles, tout ce qui est premier ministre, tout ce qui est rencontre, tout ce qui est une heure de temps où on nous explique qu'est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit de faire, ils ne l'écoutent pas. Ben Donc, le positif qu'on essaye de ressortir de là, ça vient de nous, ça vient des entraîneurs où on leur dit. Faut focusser sur nos objectifs. Mais à un moment donné, focusser sur nos objectifs quand on ne peut pas s'entraîner. Tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est du Zoom, c'est des rencontres par Zoom. C'est dur d'avoir le portrait réel de nos jeunes qui ne vont pas bien parce que normalement, on les a à proximité. Moi, c'est là que j'ai un gros problème, c'est que nos jeunes ne sont pas dans les salles d'études, ils n'ont pas le droit de se rassembler. Ils ne sont pas dans le salon des joueurs des étudiants-athlètes, ils n'ont pas le droit de se rassembler. Donc, c'est difficile pour nous autres d'avoir un impact réel avec eux autres. De plus en plus, ça se fait parce qu'on est sur place, on est là, depuis qu'on a pu recommencer à être en présentiel. Mais j'espère beaucoup, je vais souhaiter beaucoup de bonheur, puis je vais allumer tous les lampions pour mes collègues de coach de basketball, de volleyball, parce que non, j'ai bien peur pour eux là, au retour de la reprise des sports. Là, ça va avoir un impact aussi. Ça doit avoir un impact sur son recrutement, parce que là, vous êtes en plein recrutement. J'imagine, ça donne quoi? Les Ah, jeunes, ça les motive-tu? Les jeunes, c'est. Ben, il y a les deux. Tu vois, il y a les deux extrêmes. Il y a le joueur qui, lui, là, il est tanné, qui fait du surplace, là, qui a hâte que ça recommence. Ouais. Lui, je veux dire, il tourne dans le beurre, là, puis il a hâte que le football, que l'entraînement, parce que souvent, leur vie tourne autour de l'école, leur vie tourne autour du football, leur vie tourne autour de la vie sociale. On a hâte vraiment de recommencer, puis tu as les autres qui, en ce moment, se disent, moi, je suis tanné, je veux plus rien savoir de ça. Tu sais, j'ai un joueur aujourd'hui qui m'a dit clairement, il m'a dit, coach, il dit, tu vas-tu vraiment me demander de courir puis de travailler de 6h30 à 7h30 le matin à la même vitesse, de la même façon, avec un masque dans le visage? Tu lui dis tu sais, je veux quoi, dire, on n'est pas des fous quand tu même. Tu veux rien dire non plus, là? Hey, je veux dire, pour tout le monde, ça fait pas de sens d'avoir un masque. Mais moi, là, en ce moment, ce que je leur dis, c'est, ben, on va diminuer l'effort. Mais au moins, on va être capable de se retrouver. Au moins, on va passer du temps ensemble. Au moins, on va commencer à faire du football. Puis au moins, on va avoir l'impression que c'est pas trop loin en avant, là. Donc, il y a des joueurs qui voient la suite, qui voient ce qui s'en vient. Mais il y en a d'autres, là, qu'en ce moment, c'est là. Tu sais, les gars qui vont être recrutés à l'université, les gars qui sont recrutés à l'université, les gars qui ont leur dernier off-season pour se préparer pour l'université l'année d'après, pour leur saison l'année d'après, en ce moment, sont sur pause. Mais comme je disais, nous autres, c'est l'entraînement à l'heure d'aujourd'hui, c'est les pratiques. On n'est pas dans notre phase de compétition, donc on n'est pas dans notre phase de match. Fait que pour l'instant, nous, ça nous touche, puis on le voit avec nos jeunes, mais vraiment au niveau de l'entraînement puis de la préparation. Ben, c'est clair. Du côté, juste le moral, comment que c'est? Juste le moral. Tu sais, c'est, ben, c'est le moral, tantôt. C'est... Moi, je parlais c'est des jeunes tantôt. C'est l'incertitude, Danny. C'est l'incertitude. Je veux dire, les gens rentrent dans mon bureau. On va-tu avoir une pratique? Quand est-ce qu'on commence à pratiquer? On va-tu avoir un masque? On aura-tu pas de masque? Là, l'année prochaine, là, tel gars, il ne sait pas s'il va rester au cégep parce que là, il va aller faire un DEP. Mm. Donc, les jeunes, en ce moment, là, ils sont en déséquilibre. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, ils sont en déséquilibre. Il leur manque les éléments essentiels à leur vie, là, leur vie sociale, leur sport, les études, tu sais, d'être dans un milieu. C'est difficile pour eux autres. Je vais t'avouer que j'en ai là, qui sont vraiment focus, puis qu'eux autres, ils se disent, ça va recommencer le 14, l'entraînement, je vais m'entraîner le 14, le 26, on a une pratique, on va pratiquer le 26. Mais d'ici là, on voit beaucoup de déséquilibre chez nos jeunes, puis on est là, puis on a beaucoup de ressources, puis on mobilise des travailleurs sociaux, puis des coachs, puis on essaie de compenser pour ce qui se fait pas de l'autre côté. Là. Donc, mais c'est je parlais à un jeune tantôt, puis moi, écoute, j'ai 49 ans, là, donc moi, je n'ai plus de fêtes qu'il me reste à faire. Par contre, moi, je sympathise, puis j'ai pas d'enfants, mais je sympathise énormément avec eux autres parce qu'ils ont, ont une expérience à vivre. Tu étais jeune aussi, Nick. Tu as parlé de vie sociale. Il faut qu'ils fassent le coup, il faut qu'ils fassent leur expérience, il faut qu'ils fassent leur expérience de vie sociale. Puis là, tout ça, c'est sur pause. C'est 2 ans qu'on n'a pas eu, ça doit manquer, ça doit jouer sur le moral terrible. Ben oui, ben ça joue sur le moral, ça joue sur la motivation, ça joue sur le fait qu'on a 6, 7, 8, 9 gars qui ont quitté après la saison. Puis pas parce qu'ils n'aiment pas le football, là. Ouais. Parce que sont tannés, sont fatigués de ça, sont... Tu sais, moi, j'imagine, là, je recrute des jeunes de la France, j'ai des jeunes qui sont arrivés le 5 janvier, moi. Sont partis de la France... Le 4 janvier, ils pratiquaient avec leur équipe, pas de masque, puis il y avait des matchs, puis il y avait des compétitions qui se jouaient le week-end. Puis ils arrivent ici au Québec, ils ont un masque, ils sont obligés de rester dans leur résidence pendant un nombre de jours, ils n'ont pas accès à la salle de musculation, ils n'ont pas accès à un salon, fait qu'ils sont dans une chambre 6 pieds carrés, 6 par 6. Je veux dire, à un moment donné, ils commencent à trouver le temps long, là. Ça devient difficile pour eux autres, mais... On fait tout en ce moment, comme je dis depuis le début, on est un peu des majorettes là, de ce temps-ci, on est des cheerleaders, on les garde le plus possible accrochés, mais ça va avoir des conséquences qu'on peut pas imaginer encore. Puis les conséquences qu'on vit en ce moment, c'est la motivation, c'est l'incertitude, c'est l'envie de se fixer des objectifs. T'sais. Comme je te dis, j'ai un gars qui m'a regardé et m'a dit, je vais fixer des objectifs, pourquoi? Oui, on a la réponse à ça. On a la réponse de leur dire, ben parce que là, ça s'en vient, puis ça sert à rien d'abandonner, puis de mettre. Mais réellement, en dedans de nous autres, on le sait que c'est dur. T'sais, j'ai des gars qui vont être des troisième année, qui ont jamais. L'année prochaine, ils vont être troisième année, ils n'ont jamais pu faire de pratiques d'hiver, Danny. Ils n'ont jamais eu accès à faire des pratiques d'hiver. Ces gars-là, ils ont. Leur expérience de 3 ans au niveau collégial a été entrecoupée par COVID, pas COVID, saison, pas de saison. Ah, pas de saison! Ah, là, on a une saison. Ah, non, pas d'off-season. Fait que Moi, ce que j'ai de la difficulté à m'expliquer, puis, tu sais, moi, je rentre pas dans le débat de vaccin, pas vaccin, puis obligé, pas obligé, passe vaccinal, pas passe vaccinal. Non. Moi, nos jeunes, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Dans mon équipe, bien plus, puis ils se sont fait avoir par le gouvernement. Moi, je me rappelle. Dans mon équipe, j'ai l'année passée, pendant la saison, les cas de COVID, on n'en a pas eu. On n'a pas eu d'éclosion à l'intérieur. J'ai joué contre tous mes matchs. On n'a jamais été inquiété par des cas de COVID ou ci ou ça. Maintenant, là, la réalité qu'on est, c'est que là, c'est peu importe la situation, le variant ou pas le variant, nous autres, ce qu'on regarde, c'est l'impact sur nos jeunes. Puis en ce moment, faut que ça recommence. Faut que les gyms recommencent. Faut que les jeunes puissent avoir accès à leur sport. Puis là, tu sais, je veux dire, je passais dans le gym, là, puis je voyais des jeunes masqués, tu sais, qui courent. Ah, ça n'a pas de sens. C'est la réalité qu'on est. Tu sais, Danny, aujourd'hui, qui peut dire qu'en 2023, ben, il n'y aura pas des masques encore à l'intérieur? Qui peut dire qu'en 2024, il n'y en aura pas? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends au quotidien, puis j'essaie de travailler avec mes jeunes pour qu'ils en souffrent le moins possible. Faut vivre de même, hein, parce qu'on va. Ouais. Moi, c'est bien que. Écoute, j'en fais de l'anxiété, ma santé mentale, moi, puis ce que je te dis, c'est que. Il faut vivre au jour le jour, d'heure en heure, tout simplement. Ça ne donne rien de planifier sur tout. Hey, je veux te parler, Nick, sur le plan football. Là, je sais que j'ai vu passer plein de choses. Là. Mettons qu'il y a une saison normale, là, OK? Oui. As-tu un bon recrutement? Oui. Actuellement, on a un recrutement. On est content de notre recrutement. Okay. On a des joueurs de partout. C'est le tour si, de tu force. N'as-tu dans Haut-du-Lac? Tu n'as-tu dans... J'ai un gars d'Alma, c'est François Dufour, qui était un des, si c'est pas le meilleur joueur avec les Lynx l'année passée au PWD. Okay. Sinon, Saint-Félicien, rien du tout. Puis mes derniers gars du Haut-du-Lac, là, les Vincent Bouchard, qui a soit dit en passant fini MVP défensif de la Ligue en Division 3. Là. Ouais. Vincent a terminé, Alexis Bradette. Donc, c'était un peu là, mes derniers gars des Centurions de Saint-Félicien. Actuellement, j'ai un joueur des Mustangs puis un joueur du PWD sur les 27-28 joueurs que j'ai recrutés. Là, j'ai deux gars de la région. OK. Dernier point, t'es un fan de football comme moi. Ton meilleur souvenir de Tom Brady? Mon meilleur souvenir de Tom Brady... Mon pire souvenir, ça aurait été mieux. Okay, mon meilleur souvenir, je te dirais. Ça veut dire que t'es pas un fan des Pats. Moi, je suis un fan des Pats, donc je peux le dire. Moi, je suis un fan de Bill Belichick. J'aime beaucoup Bill. J'aime beaucoup sa façon de coacher. J'aime beaucoup le... J'ai juste que je suis un fan des Denver Broncos. Puis à chaque année, Tom Brady, je l'ai subi après. Comme bien du monde, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On commence à être habitué. Mais je te dirais, le match, la remontée contre les Falcons. Comment il a pris le match en main? Comment il a drivé ses receveurs? Comment il les a amenés? Tu sais, je veux dire, ce gars-là, c'est un compétiteur incroyable. Puis il aura marqué l'histoire, puis il aura marqué... Je veux dire, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, si dans la conversation, tu essaies de me dire que Tom Brady, c'est pas un si bon que ça, on arrête de se parler. Je l'ai vu un l'autre fois sur les médias sociaux, dire que c'était un overrated. On va arrêter. Hey, mais tu sais, toi, tu diriges du collège Division 3, là, OK? Oui. Puis t'es loin de la NFL, on s'entend pour dire. Oui, là. Comment Pete Carroll, puis comment... parce que là, on a parlé des Falcons, mais il faut admettre, là, si les Falcons jouent au sol, c'est terminé. Là. Comment les entraîneurs, de même, dans un niveau d'NFL, avec tout ce qu'ils ont, peuvent avoir une crampe au cerveau? Pete Carroll, qui donne le ballon, la défensive des Pats, qui est brûlée, t'as le meilleur porteur de ballon, puis t'essayes de jouer une passe au lieu de donner le ballon à Marshall Lynch, réinventer l'histoire, tu sais, c'est... Comment un entraîneur demain? T'étais à Division 3, mais c'est le corps à faire, hein? Tu vois, là où moi, là, je suis un peu différent dans quand je vais parler, mettons, de ce qu'un coach a pris comme décision ou il n'a pas pris comme décision. Ouais. Et moi, je sais là, tout le travail qu'il y a en arrière cette décision-là. Il y a des coups de tête, il y a des coachs qui disent « J'y vais pour deux points, je l'essaye, je le fais pas, je le fais comme ça. » Tu sais, je veux dire, la décision d'Andy Reid de ne pas prendre trois points avant la fin de la première demi, a peut-être coûté le match à son équipe. Mais à ce moment-là, s'il va faire sept points, s'il frappe sept points supplémentaires, ben c'est peut-être un clou de plus dans le cercueil. Oui, mais là, donc... t'es le meilleur porteur de ballon de la NFL à cette époque, Marshall Lynch. T'as le meilleur, la défensive des... Tu te rappelles de ce match-là? Oui, je m'en souviens très bien. T'sais, la défensive des Pats s'est brûlée. Il te restait qu'à rentrer dans la zone début, tout simplement, puis donner le ballon à Lynch, puis... Moi, j'ai été surpris que ça a pas suivi Pete Carroll plus que ça. Ça l'a pas suivi, là. Tu sais, Mark Crawford, Gretzky, on en parle encore de Mark Crawford, mais jamais qu'on n'en parle pas assez quand on parle de Pete Carroll, de cette décision-là. C'est assez incroyable, hein. Ben moi, tu vois, Dani, j'ai écouté des reportages, là, puis j'ai écouté je l'ai écouté de fond en comble, cette décision-là, comme entraîneur, là, c'est des choses qui nous intéressent. Puis tu vois, à la fin de tout ça, Pete Carroll a pris la décision qu'il pensait la meilleure. Parce que tu vois, si toi, tu te dis il va courir, si moi, je me dis il va courir de mon salon, tout le monde se dit il va courir. Donc, à un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a des jeux qui ont été faits, tu sais, quand Burroughs est allé lancer un screen dans la situation, le monde disait, ah, il devrait pas lancer des passes voilées, il devrait pas lancer des screens, il devrait lancer plus haut, il devrait lancer plus loin. Je veux dire, il y a tellement de travail derrière de préparation, mais puis pour un coach de football, tu sais, un coach de hockey qui prend une décision sur un gars comme Wayne Gretzky, que ça va le suivre parce qu'il a pris une mauvaise décision, versus le feu de l'action, y aller. Tu sais, je veux dire, d'un côté, il y a les gens qui vont dire il aurait dû courir, je veux dire, il y avait Marshawn Lynch. Puis de l'autre côté, moi, j'ai été dans une clinique, Danny, où il y avait le coach des receveurs des Pats de la Nouvelle-Angleterre qui nous expliquait ce jeu-là. Combien de fois ils l'ont pratiqué? Combien de fois? Puis ce jeu-là, là, ils savaient, les Pats, ils savaient exactement qu'à un moment donné, dans le processus, il allait sortir. Puis Gilmore, là, pendant toute la semaine, si je me trompe-tu, c'est-tu Gilmore, le cornerback, qui a fait le jeu? C'est pas Il me Malcolm semble que c'est Butler, lui. c'est pas C'est Butler, Malcolm Butler. Toute la semaine, ils n'ont jamais réussi à la défensive des Pats, en jouant contre ce jeu-là, ils n'ont jamais réussi à l'arrêter. À toutes les fois, en scout, l'offensive scorait. Puis ils se sont dit, on va l'essayer, on va continuer. Puis quand il est arrivé, puis Bill Belichick, il a dit, on va rester fidèle à notre plan de jeu. Quand il est arrivé, puis ils l'ont joué, ce jeu-là, Malcolm Butler est allé faire le jeu. Donc, l'histoire de ce jeu-là derrière, c'est si Bill Belichick n'avait pas cru en ce qu'il fait, il aurait calé peut-être une autre formation qui aurait peut-être amené à un toucher des Seahawks. Mais Bill Belichick, Pete Carroll, c'est deux vieux loups, c'est des gars qui en ont vu, qui en ont l'arrêt de la cravate. Fait que c'est vraiment, c'est do or die, hein? T'sais, tu prends une décision comme celle-là, ça te coûte un Super Bowl, ça le suit pas aujourd'hui, mais on va toujours s'en rappeler. On Regarde, l'oubliera jamais. non, c'est clair. Nick, très plaisant de se reparler. On se reparle un autre tantôt. Merci, Dani. L'instructeur des Gaillards de Chicoutimi, Nick Ménager.